lolu manam bu boba lolu lañu tuddé rek amumul balwa légui nak que ça soit acte bi ci aju après lañ koy déduire wala bok texte yi nga xamni ñoo ñew ci di wax ci lo xamanteni amumul balwa amna ci comme niñ ko waxé ci walu hadith ko la tay ni par exemple hadith bo xamanteni wala yeneen hadith yo xamanteni manam mbir mi dafa bëri lu muy dal nit ni bu bëri lu muy dal nit ni ben nit rek ñew netali ko dañ nan ah bo par exemple ñeen xarafi rahmatullah par exemple ñom dañ nan ah affaire bobu nañ ci nank parce que c'est impossible ak manam affaire ni mel non situation bi ni mel ni te ken du acte amul manam acte sharia manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ci ben mbir mo xamantene hein ken xam guru liw comme tay par exemple exactement pour exactement cas de figure bi gëna patant instant bi ni dans sama xel manam bi ñew sama xel moy question maniyu mom lañ do wax detaay ndax mom sobe la wala det parce que amumul balwa la c'est à dire que man yu limi dal nit ñi limi hein limi arrivé nit ñi bu fekkonté né mom sobe la konontone yeen di sa sa di do wax gaay bu man yu dalé sir yéré raxas leen ko parce que bu fekkonté né manam lolu exactement cas de figure la bu patant sax ci question bobu ci masala bobu lolu liko war mom moy xéto amumul balwa la manam moy lo xamne dafa beuri lu muy dal nit ñi dafa beuri lu muy arrivé bu fekkonté né amna ben atté bu ci wara téggu bo xamanté né atté bu waral manam ak ni mu amé solo bu boba mbir mi non lay démé xol comme tay par exemple loolu la jumhur wax tontu tamit ci question amumul balwa tamit le jumhur rahmatullah manam moy hanafiyé maliké ak shafié rahmatullah loolu lañ tontu hanabilé rahmatullah ci question wu ndax yap guilé day yak ñap wala dé parce que waji dafa ñew laté yeen bi sallalahu alayhi wasallam est-ce que ana tawadda'u min lahmil ghanam munako in shi'ta munako ana tawadda'u min lahmil ibil munako na'am est-ce que dinañu japp ci yap manam buñu lekke yap xar ba paré yap gatt manam xar wala bay est-ce que dana ñu japp munako bu la nexé munako est-ce que dañ japp bu fekente ne dañu lekk yap gile munako waw ñu xanaabilay rahmatullahi alayhi daldi wax ni gis nga différenciation bi mu def entre yap gilem ak yap gatt manam xar wala bay lolu day tektela ci anam gu leer ke ni kon yap gilem mo ko lek da nga wara lan da nga wara jox et que kon kep ku lek yap gilem sa japp day tek lolu lay tek legui motax jumuur dañ ni affaire bi romumul balwa la c'est à dire que yap gilem niñ koy lekke ni mu bare surtout manam ci jamono yannabi sallalahu alayhi wasallam ak njap ni mu amé solo ci julli ak julli ni mu amé solo ci diine ji te ñepp diko def sa su ne du bu doon ne day tok njap du won xaar ba ben way ñew lak ko mu boy do ko wax manam lim ko bëgg wax rek moy kon manam bëgg nañ ko sopp nañ lool nga japp lol lay tek kon manam yoy amumul balwa kon manam buñ ko setlo kon dañuy gis ni amumul balwa question la yo xamantene manam mbir la mo xamantene événement la manam lu événementiel la luy dal ay nit la maintenant selon angle bi ñi xolé ndax tek ci ñew na ci wala def wala bok ban acte la sharia li tek ci kaw mbir mom la lol lañuy xol maintenant par contre mafhumul ghalib mom gis nañ ko manam lolou mom ak amumul balwa dañu gis ne kon du ben man mafhumul ghalib moy dama wax dara fek lama wax lama ci djublu moy han moy ne li mom da fek li mom mo upp limi am lolou mom moy bu fekke na dafa upp limi am comme mune wa legui de français yi dañuy am visa pour dem Sénégal français yi dañuy wut visa xam nga lay lool buñ ko waxé lool mafhumul ghalib la lañ ci mën déggé manam moy parce que la non lool contraire la c'est à dire que subhanallah non dama djum ci exemple bi exemple bi mo bëggon joxé moy né lool exception la quoi manam dama djum ci exemple bi ala kulli hal djuglu liñ ci wax comme li alquran wax bim nan wala tukrihu fatayatukum ala albighai in aradna tahassuna tatahu arad alhayat dunya bu len forcer sen jigen ni ngeen len di fort ngeen len di njatt di len obliger pour ñuy jaay sen bop han ngeen ci djuglu bu fekente ni ñu bëggu ñu lool bu ngeen ci nam ngeen ci bëgg rek di wut affaireu aduna manam mbiru aduna xam nga lolu nonu tekkeli wul ne xam nga dafa ni bu len force jigen ni ñuy jaay seen bop su de lan ñom liñu nam moy sangew moy baña def lolu xam nga lolu tekkeli wul ne kon bu fekkene ne mom bëgg nako su la nexé nga force ko ci manam tekkeli wul lolu manam limite lolu mafhumul ghalib la manam moy li ëpp ci jigen ni c'est parce que bëgguñu ko amna kenn rek subhan rabbi kuma gisoon ci télé bi ci ben enquête amul ben xalé bu jigen bo xamantene day am 5 ans 6 ans japp 9 ans di xalat nan buma magge prostituée la bëgg doon manam lolu kon contrainte moko ci yob ligi nak le fait que par lu upp ci situation yi contrainte di la ci yob lolu mo motax han wala dañ len ci forcer réseau proxénète yi et cetera ñoy ci lolu mo motax han mu nek mafhumul ghalib manam moy wone ni kon wala manam lolu yoy manam mafhumul ghalib dal ala kulli hal yakana legi skinen bo ak umumul balwa ñom ñi bokkuñu manam bokkuñu terrain manam bokkuñu ay terrain wala wallahu ta'ala wa mina julit bi tak kenen ko julit wa wax wax ma atté wa est ce ko bu def bu gañu lay doon wala bu doon wa dafa ni julit bi nga xamantene dafa tak kenen ko julit manam mom moy ab chrétien wala juif et cetera est ce bu déwé dañ koy doon non non manam nit ñaari ahlu millataini manam ñu bok ñaari yoon yu bok ñom ñaar duñu doonante ñom ñaar duñu doonante loolu hatta même ki nga xamantene papam chrétien la papam chrétien la mom mutu nek julit bu déwé bay bi duko doon bay bi manam lolou don nante amul am fof même ki nga wala manam jabar je ak yoy ku tak jabaru milliardaire fek du julit bu dewe bu mu ci xalat dara parce que manam wala wa bon jeuker ji sax mën tane bo mo mën tane sax mom da mën tane wala manam buñ ko defé lolou sey bobu sharia bayyi wu ko xel wala wallahu ta'ala Parce que yo tay par exemple munuñu ne xam nga assurance bi lan mo motax c'est parce que bu indi wul assurance bi dañ teugul dox keur gi xam nga lolu bokul ak ne masalan lo xamantene da nga ne par exemple dafa am luma bëgg liggéey ni wala luma bëgg dafa am par exemple keur guma bëgg tabax wala yoy il faut que ma wut assurance mu il faut que ma wut ki prêt bancaire ak yoy dedet lolu munu ci dugg parce que lolu suñ ci duggol konon ton buntu riba yi buntu yu haram yep dañuy daal di dagal ci simple fait que ni man dama soxla nangam kon ce qui fait que ni sa yu soxla amé rek lu dagal lu haram on dagal te lolu sik neeku ci ne ku xellu du ko wax kep ku xellu non du ne manam du teural du ne rek sa yu soxla amé rek ki am lan am buntu wala lu dagat lu haram on dagat mu am benn bir mu mata baye xel fofu lolu benen ki la bo xamne laaj bi ci bopam moko xeccel bopam manam laaj bi mom mo xecci question bop moy ne liñ doon wax sank li ci al wala wal bara manam moy ne mengo yi ñu wara mengo ak julli ñi ak tamit manam deñ gi ñu wara deñ ci yefir lool dafa ñu wara yobé ci ñu nek ay nit ñoo xamantene dañ na masalan tay dafa am yo xamantene dañ nan comme ni assurance comme li gaay di def assurance rapatriement demb rek yaana ma suñu dugi ñi and ci ben manam biñ julé fiñ julé takusan man ki wax ñi yaak ñu daal di gis ci bir jakké ji subhan rabbi ñu taf fa ben kayit bo xamantene day wax nan assurance rapatriement nangam nangam veuillez contacter di visa ki bi nangam la sombi li la par nangam nangam ngay ak par année ki bi manam wax dal tout les détails yeb indi ko di dugal ko ci kay def ko ci bir jakka te subhanallah même bu daganon sax même bu don lu dagan la sax dafa lolou ci jëmm bopam dafa haram manam yeglé gogou ñu yeglé manam publicité bobu même bu don lu dagan la tay bu don né publicité na damaay jaay lu dagan wa ay kër ngi ni lay jaay nangam dagan la ma tax ko ci bir jakka ji lolou rek dafa haram ndax yeen bi sallallahu alayhi wasallam wax né man anshada dallatahu fil masjid faqulu lahu la raddakallahu la la raddakallahu la dani fa innal masajid lam tubna li dhalika manam mune kep ko xamantene dafa dafa yeugle lumu rirle da dama am luma rirle ma ma ngi len ko yeugal da koy def ci jakka ji na ngeen nako bu yalla bu lako yalla dello parce que jakka ji ken tabaxuko ngir lool su fekkentene nak mbir mi non la deme ci li dagan lan ngay xalat ci li haram manam waruñu ko manam bu doon lu dagan sax ci bitu jakka ji lañ ko waron def manam ci buntu ci ginnaw au moins koy duggu gis ko wala mel non mais pas ci bir jakka ji legui nak nga boole ci manam pour parce que manam di ubbi manam di yombal bir manam lool mo indi nak legui ni ñu japp ne loolu amumul bal fek du amumul bal wa ci lu jégué du ci lu sori tay bu fekkentene da nga jël manam ci sa serbu ci sa xel parti bi nga xamantene mom moy wax affaireu assurance rapatriement assurance xawma lan assurance bi nangam yep nga dag ko nga ko nu dudu rayeko amna benn baat buñ tuddu buñuy wax pour dag ki Voilà, benen mbir mi tamit bi nga xamantene mom moy benen mbir bi nga xamne matna baye xel fofu moy su fekkene yow conscient nga ni lolou baxul man ma conscient ci lan motax man ñun mënuñu taxawal lo xamantene war na mën tax ba ñuy mën di def li banki di def ci anam ku daga dara téréwu mais légui nak ba paré wana li gëna yimi moy fogg giñu fogné manam la budda nga manam mënu xolal subhanallah biñu wax affaireu luñu du projet créateur ndew caisse de solidarité affaireu mais subhanallah day gis ñu ñëw né non mi yépp du compliqué wax leen gaay nañ dem ci banque bi subhanallah bu démé ci pour def ko ci banque bi au minimum da ngay fay ay 60 euros 80 euros par année légui su fekkentene bi la 20 euros par année ngay joxe te yow 20 euros bobu nonu ci la lepp di dugg mais malgré tout ñom japp nañ ne dédit affaire bobu c'est lourd non bayi len kenn ku ne mu dem ci banque bi fay 60 80 euros ko la lolu manam lolu subhanallah tellement ni nga xamantene lolu mom moy benn bi rek manam moy bu fekkentene nit dafa ñew jël sa xel teunk ko tak ko yew ko manam ba pare jël manam dindiko wék ko fimu wara nek jël bosam tek ko ci yow moy pare manam yow amuto xel reyna la manam yow mom yow yakou de yena yama non manam parce que bu fekkate dafa dem ba gëm lo neele ne yow mëno sa aduna mom c'est bo nga xamni mëno ci tek mëno ci jariñ mëno ci nek dara luddul nga jaar fi man mais lool moy reyna bu fekkate ne yow dafa ñew ni la sa xalat manam sa xalat yo warut lo am droit khalat bayil man maray khalat mais c'est bon hein c'est bon lolu mom mo c'est bon nit mom lolu nan la jël mort cérébral man la yalla yalla sabu yalla wa am Le Sénégal ne cotise pour l'an. Ah d'accord. Voilà comme temps où il y a un après, il y a un mais les après, il y a un mais ici, wa d'accord xam nga lolou lañuy wax ni moy limite wu ki non c'est que la question man li nga xam ni mom lay wax ni c'est une question bo xamantene question bu simple moy xam nga amna ay nit ñoo xamantene bu ñuy and wala ñuy xam ni comme tay par exemple ñu bu ñékkon 100 personnes 100 200 personnes ñun ñep ñu d'accord ci ben affaire ben principe né ñun xaaliss baangi ni mën nañu jël ñun tok tek ngir yalla tek jël di cotiser nangam par année wala nangam par wèr ñu tek ko ni xaaliss baangi ni ñun 100 personnes kessé la bu ci amé kenn ku ci am soxla sangam nangam ñu jappalé ko ci dimbali ko ci ngir yalla ci turu mbolom yépp buñ démé ba nga xamantene dem nañ ba nangami ak khalis bi mu am lu ci dess bu woba lola nañ ci def nangam mu am lool mbir yep leer na legi lool da na mëna nek lool do ngon nak moy maintenant nak hein moy individual de non mais soxla il faut ñu définir yeen xéet soxla lay doon il faut ñu définir yeen xéet soxla lay doon manque de confiance mutuel wa manque de confiance wa mais lool nak xam nga nak lool tamit benen question la xam nga lool yeb bu nit ñi lool moy question bi may wax non mais ñun ñi ngi ni caisse daaira bi fi mu toll buñ ko jëlé non mais xam nga dañuy cotiser pour daaira ah bu fait wa buñ poser question dañuy bayyi xel inshallah bu fekke tane tay dañu cotiser ñun ñi pour daaira mais xaaliss daaira bi ñun n'importe qui parmi ñun mën nañ ko wodu jox ko wal te duñu xalaat mukk ke ni dana ko lek dañu ko wala man di ah du deug bim xewé ba légui dégguma kenn kuñ ci tuuma né compte yi dess na wala yoy voilà et que té n'importe qui parmi ñun mënu nako gérer n'importe qui parmi ñun voilà wa légui bu féké né lu mbir mi non la mëne démé mais lan motax ba mënu ñu tamit am lo xamantene mais vraiment lool manam xétu xalaat yoy yëp mëna ci jiddu bu fekkentene ci maintenant lolou la lay wax ne la lolou meun na nek c'est que problème bi fan la nek moy tout temps manam suñu xel dañ ko jël wéki ko ba paré voilà jël xelu ñeneen duggal ko ci biir ba paré neñu ni rek nga mëna xalaté amulo droit xalaté neneen né no xalaté yaangi ci erreur problème fofu la mais li dagan yomuna li dagan yomuna li yalla bëgg yomuna bu fekk volonté kessa la laaj laaju leneen volonté kessa la laaj hein la ngeen yalla sam maintenant effectivement bu fekké né nak dañ né société bo xamanténé kep kessu daayira bi kessu jakka ji nangam lañ koy kep effectivement fofu c'est problématique da nañ yalla sam wa même waaw ko dul julli mom tout dépend ci liko téré julli xam nga ñi dul julli ñu ay catégorie lañ duñ benn façon légui ci xamantene mom bu fekké tan man bo roko ko rahmatullah bu fekké hanbali la kharabi la rahmatullah leen koku ñom seen wax dafa simple ñom seen wax dafa simple parce que ñom dañ japp ni ki dul julli mom da dul julli ñom loolu lañ japp mais wax joju nonu wax juñu note la te d'ailleurs hatta ki subhan rabbi imam muwafaquddin ibn qudama rahimahullah nga xamne mom moy sen imam manam moy madhab hanbali bo xole tere melni al mughni al kafi ak al muqni mom mo len bind tere yoy nga xamantene danaka meun nañ manam ño seg al-umda la bëgg wal umda al-umda ak al-muqni' manam ñom ño seg mazhaban parce que al-kafi ki moko bind al-hasan ibn abdul barko ki mazhab maliki la rahmatullah legi mom dafa ne dafa wax gaayam yi manam mbokam yi manam ñi nga xamne ñom ñoo bokku mazhab mu ne len musuñu dir gi fenn ci ben rewu julit ba l'islam amé ba legi manam mom les années 450 dem ko voilà les années 400 djap 450 côté yoy la dum mune musuñu deug mais est-ce que perturbation mën na wagné inshallah voilà légui mom dafa ni gaayami nañu bay nañu nañu sét est-ce que bi l'islam amé ba légui mus ngeen dégg fenn ci ben réewu julit ñu né diw kén duko julé kén duko sang wala kén duko sul ci bamélu julit ni parce que tout simplement doon won julit mus dégg kén ko ko bañ té lolu effectivement parce que yentibi sallalahu alayhi wasallam xam nga ñoom dañu faral di tektolo ci ne way manam hadith yi wax ne li dox suñu digënté gi yéfer moy julli et cetera ak yu mel non mais li nga xamne mom la borom xam li lepp ci ñoom wax rahmatullah mom moy mazhab hanafi moy shafi moy maliki rahmatullah ñoom ñepp benn wax la moy ne ki dul julli su fekente ne gëm na ni julli dafa war ci mom mais sauf que dafa tayel wala paregul moy waxu taxan yoy wala et cetera du am jot te programme dafa bari manam yoy mais nak man limay def xamna ne jaadul bakar la parce que dama wara julli kokku nonu ñom dañ ne du yefel te hatta hanabilay rahmatullah alayhi buñ ne yefel la sax dañ ko tekki dañu wax ne ci ñaari condition lañ koy defé lañu jappé ni yefel la première condition bi moy mu nek nit ko xamantene julli manam dañ nan ko manam dañ koy won lay yi gravité yi nek ci ñak julli ñu won ko preuve yi ba mu ne d'accord na mais mo duma julli d'accord na mais duma julli ñu ne ko ñu yobbu ko ci juge bi ne bo julli wul ba sangam dañ lay ray mu ne non duma julli parce que man damay bañ ko ma forcer day melni dañ ma ki day melni nan moy wax chaan yoy nan woy man do sama idée la bëgg di yor du bëgguma kenn kuma influencer hein moy yofu chaan yoy rek parce que nit ku mu neex la mu nakari la yaangi ci influence même le fait que ngay wax ne bëggoko la influencer lolu c'est parce que da nga tam gaay di dégg ñu nan woy il faut être libre buñ la influence da nga tam di dégg lolu motax nga ni do bëggoko la influencer yow ci sa bop ci sa idéologie bop dañ la influencer ci lo manam kon mëno wax ne manam man kenn duma influencer lool mom ku ko wax waxul deug legui mu dess nga nit ki wax ne man manam waji wax lool ci kanam juge bi bayiko ba ki jot heure bi ni ko comme par exemple tak sat fi ak timis bo julli ko parce que heure timis day jot mu baye julli ba nga xamne dem nañ ball li ci dess ci julli mënu ci def ben rakka bu mat bo wa dañ koy ray mais buñ koy ray dañ koy manam koku non mu dem ba mu jaral ko ñu ray ko ngir baye julli jesse mom koku lañ wax ne yefir la man kon hanabilay rahmatullah joyulu ñu wax ci ñepp ci kaw lolu kon da ngay gis ne danaka wax yi day da di wëlbati ko xawa nuru ki ñi nga xamne ñom ñoy amma wax ji imam al-akhdari wa rahmatullah al-akhdari ci wax ne ku ne waxul du bobu benen masala moy man tawadda ki man salla bi ghayr wudu'in faqad kafara wal iyad billah bob benen masala dama djum wala bob masala bokut ak masala bi meme bob masala sax mom ak manam wax joju nonu sax manam ki gep djubou ci mom manam mazhab maliki lolou du sen wax manam wax joju ci bopam sax du sen wax manam mom lolou wax du isolé la ci bir mazhab bi ken ku jappoute djulli wul yefer la manam kul ku julli te jappul bok yefer la wala bo parce que dañuy xol il faut ñu xol lan moko pousser ci lool est ce que moko tay dafa doyal diine ji motax wala yoy il faut ñu xol ñu kaddu fi bir yoy yep pour donc mën atté ci kaw ben atté ci kaw atté yoy non ala kul hal liñ ci jublu dal mom moy kon ki nga xam tane julli la mais dafa dé fekk du julli bu fekkante ne parce que attention su fekkante ne dafa julli day julli la wax waxuma ki dul julli ki julli mais dafa japp ne julli farata du farata warul wala warul wala bok ñom sa mo ñom bu len nexe bañu julli koku mom ci bop mom mom malgré day julli tous les jours yéfer la amma ki nga xamantene day julli ki nga xamne mom du julli han mais japp na lu julli daf ko war koku mom du yéfer té kon ci kaw lolu bu boba mën nañu yaakar né yeurma nak yalla mën na yex ci mom malgré tekkuyñ tekku ci kaw malgré tekkuyñ ko tekku yépp ci day dem safara day nangam dañ koy ki malgré lolu yépp mën nañ ko ñaanal yalla yalla yeurum ko tuddo même parce que du yéfer parce que yéfer rek mo harama ñaanal keneen ko du yéfer mën nañ ko ñaanal wallahu ta'ala donc en fait dama non laccé femme bo xamni wa dafa ñaan baat wa borom kërëm dékërëm may ko baat ci yeen condition après lañuy mëna tay sey féké ni waji par exemple ko ni di baaji voilà lolu dafa né nit ko xamantene tay par exemple manam jigéen jo xamantene dafa ñaan baatam laaj bi ni laajon nga ko laajon nako sakana il y a 3 semaines ci sa kër en fait du deug kan moko fekk duñ deug wala wala dafa ni en fait jigen jo xamantene dafa ñaan batam jëkkeer ji may ko batam legi ci yeen condition lañ koy mëna tassé sey bi ah boba borom manam liñu li nga xamne mom lañuy def mom loolu lañuy tuddé al khol wax mo mëna nek manam amna possibilité jigen ji jëkkeer ji may ko batam amna benn possibilité moy mu ne ko li nga ma joxone bi may tak damay jëlat lepp dolol delo wat la lolou possibilité la bu am legui bu boba bu ko jikir ci nango boba xolu la ñuy tuddé lolou bu boba nak benn wèr manaw dedet bu gis manam bu gisé mbeureugam benn yoon rek sey bi day tass bu gisé mbeureugam benn yoon rek sey bi day tass ci kaw jikir ji nango wa ci kaw jikir ji nango nango ba paré mu jëlo ko cyan voilà légi su féké dana na nangouko bu boba na dañ ko yobbu ci juge bi légi juge bi day xol su féké dana amna sur yu valable yo xamantene mom la koy tumal lo xamantene comme ay hak yum ko mankel wala yu mel non bu boba ci la koy doga juge bi ci lay doga meuna prononcer pour ñu tassé bi su féké dana amul hak